Saison fidèle au cœur, qu'importune la joie. De Charles Guérin. Enregistré pour LibriVox.org. Saison fidèle au cœur, qu'importune la joie. Te voilà, cher automne, encore de retour. La feuille quitte l'arbre, éclatante, et tournoie dans les forêts à jour. Les aboiements des chiens de chasse, au loin, déchirent l'air inerte où l'encens l'odeur des champs mouillés. Gonflés d'humidité, les prés mornes soupirent en cédant sous les pieds. Les oiseaux voyageurs, par bandes, dans les nues, émigrent vers le sud et les soleils plus chauds. Les laboureurs, penchés sur les lentes charrues, couronnent les coteaux. Le soir, à l'horizon, souvent le ciel est rose. Des troupes de corbeaux traversent le couchant. Dans le creux des sillons de la plaine repose, pensive, une eau d'argent. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.